بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد dans le dernier hadith qu'on a pris, 4e hadith n'était un seul hadith dans un seul chapitre. Et là maintenant on rentre dans un nouveau chapitre qui est باب قراءة في الصلاة, القراءة في الصلاة, qui est la lecture dans la salat. Qu'est-ce que l'on récite durant la salat? يقول الشيخ عثيمين يريد بالقراءة تلاوة القرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قراءة الواجبة والمستحبة وبماذا نقرأ أو بماذا يقرأ. Donc l'auteur veut, par le fait de dire ce qui est lecture, il veut dire ce que l'on récite du Coran. D'accord? Et dans ce chapitre, il va citer tout ce qui est lecture qui est obligatoire, ce qui est recommandé, et qu'est-ce que l'on doit lire. Naam. يقول في الحديث الرابع والتسعين 94e حديث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Donc selon Ubadah ibn Samit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a aucune salat acceptée pour celui qui n'aura pas lu Al-Fatiha, l'ouverture du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha, salat Al-Fatiha. Donc cela montre quoi? Que cela est un pilier de la salat, cette Fatiha. فيقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى راوي رابورتور عبادة بن صامت بن قيس الأنصاري الخزرجي كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وشهد غزوة بدر وما بعدها وخلع حلف بني كيقع وكينقع ما أدري كيف يقرأ كينقع وتبرأ إلى الله ورسوله منه حين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا عمر مع معاذ وأبا دردة إلى أهل الشام ليعلموهم القرآن ويفقههم في الدين فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء فيها ومات في رملة سنة 34. Donc ce sahabi est parmi ceux qui ont porté allégeance au Nabi صلى الله عليه وسلم la nuit de Uqba et il a assisté à la bataille de Badr. Et il a délié le pacte d'allégeance qu'il avait avec la tribu des Bani Kaynaqa ou Madri Kafiqa exactement. Ici, nous sommes deux au moment où ces derniers, justement, eux-mêmes, ont rompu leur pacte, trahi leur pacte qu'ils avaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, par la suite, lorsque c'était le khilafa de Omar, Omar l'a envoyé ainsi que Mu'az, ainsi que Abu Darda, vers les gens de la Syrie, la grande Syrie, Hichem, pour leur enseigner le Coran et pour leur apprendre la religion. Et lui, il s'est tenu en Palestine, yani Obada. Et le premier à avoir été un juge là-bas. Et il y est mort en l'an 34. Yaqul mawdu' al-hadith, le sujet du hadith, bayyin hukm salat bidun qira'at al-fatiha. Le jugement d'une salat dans laquelle on n'a pas lu al-fatiha. Juste dans chaque rak'at. Yaqul fi sharh al-jmali. Explication globale du hadith. صلاة الفاتحة لا شأن كبير وفضل عظيم ولذلك تسمى أم القرآن لرجوع أصول معاني القرآن كلها إليها وهي سبع ثماني. Donc cette sourate qui est le Fatiha, elle a une importance immense et un grand mérite justement dans le Coran. D'ailleurs, c'est la meilleure sourate du Coran. D'accord, c'est la meilleure sourate du Coran. C'est pour ça qu'elle a été appelée la mère du Coran, du fait que toutes les bases et les sens du Coran reviennent vers cette sourate. Et qu'elle est appelée également les sept qui se répètent. Ou les sept exemplaires. Qui se répètent ou qui se ressemblent. وَأَعْظَمْ سُورَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ هِيَ السُورَةُ الَّتِي يَتَعَيَّنْ كِرَاءَتُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا وَهُوَ عِبَادَةُ بْنُ صَامِتٍ رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تقبل ولا تجزى إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب. Donc justement, comme l'expliquait, c'est la sourate la plus importante du Coran. C'est pour cela qu'elle a été désignée comme étant celle qui doit être récitée dans chaque salat, dans chaque rakat, pour celui qui peut le faire. Et ce sahabi, Ubad ibn Samit, informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la salat n'est pas acceptée, elle n'est pas valable pour celui qui ne l'aura pas récité. Naam. Donc elle est un pilier de la salat. يقول في فوائد الحديث enseignement du hadith وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على كل مصل في كل ركعة وهي ركن لا تصح صلاته بدونها. qu'il est obligatoire de réciter justement cette Fatiha dans la salat, pour chaque personne qui fait la salat, c'est-à-dire l'imam ou celui, ceux qui sont derrière l'imam, en groupe ou individuellement, dans chaque unité de salat, dans chaque rak'at, et qu'elle est un pilier sans lequel la salat n'est pas valide. ثانيا أن ترك قراءتها يبطل الصلاة ويستثنى من ذلك المأمون إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر للإحرام ثم يركع فتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة لحديث أبي بكر لأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام. Et que le fait de délaisser cette récitation de l'Fatiha, cela annule la salat. Hormis pour celui qui serait arrivé, qui aurait rattrapé l'imam alors qu'il est incliné. C'est-à-dire qu'il a raté la station debout. D'accord? C'est-à-dire qu'il arrive quand l'imam est encore incliné. Il rentre avec lui dans l'inclinaison. Car lui, il aura raté la partie justement de la posture debout. Comme le prouve le hadith de Abu Bakr. Car lui n'a pas rattrapé justement le moment où il fallait le Fatiha. Et là, c'est une masala de divergence. Il y a des ulama qui voient que non. Malgré tout, le hadith de Obada qu'on a pris là maintenant, il est pour eux les plus forts. Ils disent que celui qui a raté la posture debout avec l'imam qui rentre incliné, ils disent que le hadith ne dit pas qu'il ne s'est pas relevé par la suite pour attraper la rakat. Donc eux, ils voient que malgré tout, tu relèves et tu rattrapes la rakat que tu as manqué. Ça, c'est un call. C'est le call des machaires qui est ici au Yémen. Ou beaucoup d'entre eux. Et le Cheikh Othaymine et d'autres, eux, voient que non, la salat, car le hadith, il est clair. Le Nabi Sallam n'a pas dit à Obada de recommencer. Et Kazalik, comme l'a fait remarquer des savants, si jamais il devait rattraper la rakat. Alors pourquoi? Parce que dans le hadith, en fait, Abu Bakr, il est rentré, les gens étaient inclinés, il est rentré, il n'était pas encore dans les rangs, il était déjà incliné, il est rentré dans les rangs en étant incliné. C'est-à-dire pour rattraper l'inclinaison. Donc ils ont dit, s'il devait refaire la rakat par la suite, pourquoi tu es rentré incliné? Il aurait pu rentrer normal, et quitte à rater l'inclinaison et à rattraper par la suite. Donc ils se sont dit, c'est qu'ils savaient qu'en rentrant incliné, ils n'auraient pas à rattraper la rakat. Que celle-ci serait rendue valide. Et ça, c'est le call qui paraît comme étant le plus fort. Allahu ta'ala alam, que celui qui a raté la station debout avec l'imam et qui rentre, qu'ils sont encore inclinés avant qu'il ne se relève, qui n'a pas offert la rakat, Allahu ta'ala alam. Naam. Et ça, c'est, on va dire, c'est un tarsis. Le jugement qu'on a pris en premier, c'est un jugement qui est général. Am. Et celui qu'on vient de prendre maintenant, là, c'est un jugement qui est particulier. C'est-à-dire que des fois, qui fait exception à une règle générale. Wa akaza. Allahu ta'ala alam. Wa alhamdulillah bil alamin.